Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. Le campus de l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, pour le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Après la place de la francophonie dans la recherche internationale et les difficultés ici, comme en France, des débuts de carrière scientifique pour les jeunes chercheurs, nous allons nous attaquer aujourd'hui à un fait d'actualité majeur, un paradoxe contemporain qui ne cesse de faire couler de l'encre. La méfiance des citoyens envers la parole scientifique, corroboré par l'adhésion toujours plus large envers des discours dits alternatifs qui ne sont en réalité que fausses théories, infox et pseudosciences. Ce paradoxe, l'ACFAS lui a trouvé un nom, la science décousue. Science décousue, comment ne pas perdre le fil? C'est le programme certifié qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder ces problématiques donc ô combien d'actualité et essayer d'éclaircir les raisons de ce paradoxe et les moyens d'y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Larrivé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Montréal au département de psychoéducation, auteur de « Quand le paranormal manipule la science », c'est aux presses universitaires de Grenoble. Bonjour Sophie Malavoie. Bonjour. Vous êtes directrice du Cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal, autrice du guide pratique de vulgarisation scientifique édité par l'ACFAS. Et bonjour Nicolas Beck. Bonjour. Vous êtes directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine, auteur de « En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique ». C'est aux éditions Quoi. Et vous pouvez nous suivre comme chaque jour, on ne perd pas les bonnes habitudes, en complément de votre écoute sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et donc, bien, le point de départ de cette émission, c'est que se tient ici, au congrès de l'ACFAS, demain, un colloque intitulé donc « Science décousue, public confus ». Comment mieux communiquer la recherche pour redonner confiance dans la science? Serge Larrivé, qu'est-ce qu'on entend exactement par cette expression « science décousue » ? C'est que les gens ne savent plus du tout ce qu'est la science. Comme en science, on affirme que, bon, il y a le doute qui prime, il n'y a rien de certain, alors il y a immédiatement les assauts des pseudo-scientifiques qui disent « Ah, nous, on a la vérité ». Et là, ça fait que la science qui s'effondre. Sophie Malavoie, cette notion de science décousue, ça veut dire qu'il y a matière à recoller des morceaux, recoller peut-être le contact entre la science, les chercheurs et les citoyens? Oui, mais recoudre plus exactement, puisque c'est décousu. En fait, pour recoudre, ça prend de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Les processus qui sont derrière, justement, le fait qu'on a décousu la science et de ses croyances. Et peut-être aller dans le domaine de la psychologie. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et peut-être les chercheurs n'ont pas été informés de ça, ni formés. Ce qui fait que des fois, ils parlent dans le vide et des fois, même, ils renforcent la croyance de l'autre. La notion de biais, par exemple, qui est centrale pour comprendre ce qui se passe maintenant avec les fausses croyances. On a tous des biais cognitifs et ce n'est pas juste les gens ignorants qui les ont. C'est-à-dire, je suis sûre qu'il y a encore des scientifiques qui croient qu'il suffit d'informer pour changer les opinions des gens, alors qu'on sait tous, et ça c'est vérifié, c'est validé, que les gens vont choisir des sélections qui confortent ce qu'ils pensent. Puis c'est pas juste le biais, c'est pas juste de se dire, et encore, c'est pas parce qu'on est plus instruit qu'on est moins susceptible au biais. C'est ce qui explique d'ailleurs, c'est très étonnant, les gens, quand on fait les sondages, la population, en général, ils ont confiance dans les scientifiques. Mais quand il y a un enjeu précis qui doit faire des choix, ben si les données scientifiques vont pas dans le sens de leurs croyances ou de leurs convictions, ah ben là, tout d'un coup, il y a un petit écart. Bon, on met le scientifique de côté parce que c'est des questions de valeur, c'est contre nos convictions. Vous pensez à quoi, par exemple? Ben, je pense, par exemple, il y a encore des gens... Bon, les anti-vaccins, il y a quand même, bon, récemment eu un scientifique au Québec qui a appuyé un peu les anti-vaccins et l'histoire de l'autisme et tout ça. On va retrouver ça dans plein de sujets, que ça soit même... L'autre jour, on parlait des diètes keto, qui sont des trucs très à la mode, qui ne sont basés sur rien scientifiquement, ou même du régime paléolithique. Bon, mais il y a quand même des médecins qui écrivent ça. Donc, c'est des gens qui ont des convictions, puis il y a des gens qui vont suivre ça en se disant, bon, ben, moi, j'y crois. Puis c'est pareil pour la théorie de l'évolution. Les gens, c'est contre leurs valeurs. C'est pareil pour l'autisme. Si on ne comprend pas pourquoi les gens ont cru que les vaccins, finalement, peuvent créer l'autisme, on comprend que la première cause, c'est qu'on ne savait pas vraiment la cause de l'autisme, donc ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Ensuite, de dire que c'est un vaccin, donc quelque chose d'extérieur à nous, c'est réconfortant, parce que c'est moins que quand c'est quelque chose de génétique, on n'a pas le contrôle. En plus, des fois, il y a des questions de corrélation. C'est arrivé, après, l'enfant, il semblait normal, on donne l'injection, on a l'impression qu'il y a une cause, mais c'est juste une corrélation dans le temps, mais qu'il n'y a pas de lien de causalité. Alors, des fois, les études ont montré que les enfants avaient des problèmes. Donc, c'est tout ça qui est à la base. Une confusion globale. Comment vous la comprenez, vous, Nicolas Beck, cette expression de science décousue ? Moi, je m'interroge sur la relation, justement, entre les chercheurs, d'une part, et le grand public, et là-dedans, le rôle des médiateurs. Médiateur scientifique à qui on confie justement la mission de recoudre, reconnecter la science avec la société. Alors, les médiateurs, ils peuvent être directement face au public. Ils peuvent aussi, et c'est le cas à l'Université de Lorraine par exemple, être ceux qui forment et qui préparent les chercheurs à recréer cette connexion avec le public. Et on s'aperçoit qu'il y a un gros travail à faire dans ce domaine-là, parce que les chercheurs ne sont pas formés à communiquer sur leurs recherches de manière forcément très accessible. Et ils ont en tout cas une posture à avoir qui n'est pas celle de celui qui sait vers celui qui ne sait pas. Comme le disait Sophie à l'instant, enfin, on n'est pas là pour faire de la diffusion d'informations scientifiques. L'info scientifique, aujourd'hui, elle est accessible avec la science ouverte, avec Internet. Évidemment, la science, elle est à portée d'un clic. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, justement, l'intérêt, c'est d'éveiller à l'esprit critique et c'est d'aller faire des chercheurs, à la fois des ambassadeurs de la recherche en train de se faire, pas seulement des passeurs de science. Et la formation, la préparation à ce contact avec le public, c'est un enjeu extrêmement important dans l'université aujourd'hui. Alors on reparlera justement de la formation des chercheurs et justement de cette exigence supplémentaire qui est de transmettre, d'être plus transparent dans l'explication et la transmission de leurs recherches au grand public. La deuxième partie de ce colloque sur la science décousue, c'est comment mieux communiquer la recherche pour redonner confiance dans la science. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enjeux-là, ce sont stricto sensu uniquement des enjeux de communication. Ça veut dire que la responsabilité, c'est celle des chercheurs, c'est la nôtre, vulgarisateurs. On communique pas assez bien, on n'est pas assez clair, on est trop confus. Serge Larrivé. Écoutez, il y a une première chose qu'il faut malheureusement bien constater, et j'espère que je me trompe, les gens ne lisent pas. Donc, vous avez des études qui appuient ça. Les gens ne lisent pas, donc, et ils ne lisent que les titres et les sous-titres. Et les journalistes ont le don de mettre des bons titres et des bons sous-titres. Les journalistes ont une autre manie. C'est de dire, on va présenter les deux côtés de la médaille. Je suis désolé, la science et la pseudo-science, c'est pas les deux côtés de la même médaille, c'est deux médailles différentes. Je vous donne un exemple banal. L'astrologie et l'astronomie, l'un, c'est de la pseudo-science, l'autre, c'est de la science. Le seul point commun qu'ils ont, c'est les cinq premières lettres, astro, et au Québec, c'est une masse de yogourt. Alors. Mais pour rebondir là-dessus, Serge Larrivé, c'est vrai que c'est une critique qui est souvent émise, notamment à l'encontre, il est vrai, des médias généralistes qui créent des débats passionnés autour de questions qui sont des questions qui suscitent beaucoup de controverses. Pour reprendre votre exemple, Sophie Malavoie, sur les vaccins, c'est vrai qu'on a beaucoup reproché aux journalistes de dire, on met en face des scientifiques et des anti-vax sur un pied d'égalité, alors qu'ils ne représentent pas la même personne, alors que les anti-vax, finalement, on ne devrait pas leur laisser, on ne devrait pas les mettre sur un pied d'égalité parce qu'ils n'ont pas la même légitimité scientifique. Mais est-ce que c'est pas dangereux de ne pas donner la parole à des gens et au contraire d'entretenir finalement la paranoïa du grand public qui dit on ne les laisse pas parler, on les muselle, donc les médias sont complices et on entretient une nouvelle forme de boucle infernale. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que ça serait dangereux, exactement pour ce que vous dites. Parce qu'à partir du moment où on muselle les gens, en fait, on leur donne beaucoup de visibilité. Donc, et l'effet Streisand. Oui, et c'est. C'est vraiment, d'ailleurs, l'idée de susciter, dire qu'il y a une controverse dans tout, c'est la stratégie des gens qui sont sceptiques, qui sont contre la science. C'est la stratégie des climato-sceptiques, c'est la stratégie des gens pour le vaccin, en disant qu'il n'y a pas de certitude scientifique. Donc, c'est sûrement pas en étouffant ça. Au contraire, c'est en armant peut-être la partie adverse, les scientifiques, à être mieux capables de dialoguer et pas juste de diffuser. C'est-à-dire, c'est de la compréhension vraiment de ce qui se passe, pourquoi l'information est détournée, déformée, et pourquoi les gens vont croire La partie adverse, justement. Et pourquoi l'autre ne fait pas passer son point ? Alors, on ne peut pas les exclure du débat. Il faut leur donner la parole. Mais est-ce qu'il faut les mettre en face à face, sur un pied d'égalité avec les scientifiques ? Quelle est la position ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais écoutez, c'est extrêmement vicieux. Parce que dans un débat, par exemple, à la télévision, entre un scientifique et un pseudo-scientifique, je vous annonce immédiatement que le pseudo-scientifique va gagner. Pourquoi ? Parce que lui, il peut affirmer... Mais il n'y a pas besoin de démontrer. Alors que nous, on est toujours en train d'y aller avec prudence, pour dire voici qu'est-ce qu'on a fait. Puis nous, on est obligé de démontrer, alors qu'eux se contentent d'affirmer. Vous dites, vous écrivez, Serge Larrivé, science, pseudo-science, combat inégal. Comment on fait quand on lutte à armes inégales, Nicolas Weck, pour malgré tout rendre compte de l'inégalité, justement, du point de vue, tout en se refusant de ne pas donner la parole à des gens qui contesteraient ce que la science démontre? Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire comprendre où est le débat, justement. Sur un certain nombre de questions, le débat, c'est pas un débat scientifique. Quand 98-99% des scientifiques sont d'accord sur le réchauffement climatique, on peut pas dire que c'est un débat d'ordre scientifique, c'est un débat d'ordre sociétal, avec des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sur la santé, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à faire comprendre que si la science a des hésitations, si la science avance à petits pas, oui, parce que ça fait partie de la démarche scientifique, c'est ça la science, et avant d'arriver à un consensus scientifique sur une thématique, il peut se passer des années, et ça fait partie de la démarche tout à fait normale de l'avancée des sciences aujourd'hui. Mais vous voyez bien, Nicolas Weck, que le problème, qu'aujourd'hui le consensus devient un problème, ou qu'en tout cas il est utilisé pour dire « Ah mais il y a un consensus, donc dès qu'on émet une idée qui n'est pas dans le sens du consensus, on est tué, on n'est pas écouté », ou alors quand il y a quelques personnages célèbres qui prennent position à l'encontre du consensus, parlons du réchauffement climatique, des gens qui disent « Ah mais ça n'est pas d'origine humaine », ou alors finalement il fait moins de dans les Yvelines, il est où le réchauffement climatique aujourd'hui ? Eh bien, d'un seul coup, il est perçu comme étant justement la voie de la vérité parce que contre le discours majoritaire. Comment on fait pour lutter contre ça, Sophie Malavoie ? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante déjà, c'est d'expliquer un peu mieux ce qu'est la science et comment elle fonctionne. D'expliquer justement le terme de l'émission, c'est la méthode scientifique, mais c'est justement l'approche scientifique. Et le consensus scientifique, c'est basé sur des convergences des faits, des données. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des gens sur le changement climatique, il y a des géologues, des océanographes, des gens qui travaillent sur la faune, des biologistes, enfin, qui sont tous arrivés à la même conclusion. Il y a une convergence. C'est d'expliquer ça. Oui, les gens vont dire, oui, mais peut-être la personne qui n'est pas dans le 97%, c'est l'idée géniale qui va... Oui, mais cette personne doit fournir une explication, ce que les climato-sceptiques ne sont pas capables de faire, ce que les gens qui sont des créationnistes ne sont pas capables de prouver que leur modèle peut être fonctionner avec les faits. Et c'est comme ça que la science avance. Nicolas Weck ? Je m'interroge juste sur le fait que ces questions-là, elles ne sont pas nouvelles. Je relisais justement un documentaire sur l'arrivée de l'électricité dans les villes et dans les foyers, fin 19e siècle, début 20e siècle. Il y avait cette même crainte de quelque chose d'invisible qui provoquait des incendies, des courts-circuits. Donc, j'ai pas la réponse à cette question, mais on voit bien que c'est pas des nouveautés. Ces controverses-là, elles existaient déjà. Aujourd'hui, ça fait sourire. Alors, c'est vrai, mais effectivement, à l'invention de l'électricité, les moyens d'information n'étaient pas les mêmes. On peut imaginer qu'effectivement, la défiance a toujours existé. La défiance envers la science a toujours existé à côté de la science. Peut-être ce qui a changé aujourd'hui, et c'est bien là qu'il faut intervenir, c'est que c'est la structure, la structuration, la composition du moyen d'information. De nos moyens Alors, les médias sociaux, c'est le terrain extraordinaire pour que joue ce qu'on appelait tout à l'heure le biais de confirmation. Alors, je ne cherche que des informations qui fitent avec ce que je pense. Correspondent, oui. Je me mets dans une chambre d'écho, puis ça résonne tout le temps comme je pense. Alors qu'en science, on fait exactement le contraire. On fait tout pour démolir nos théorie selon le principe de réfutabilité de Popper, et si on n'y parvient pas, c'est qu'on a temporairement raison. Et moi, quand on me démontre que je me trompe, je fais la fête. Je fais la fête parce que ça veut dire que je m'approche de la vérité. Mais alors là aussi, je vais vous apporter la contradiction, Serge Larrivé. Si tout est réfutable à ce moment-là, la théorie de l'évolution est réfutable, c'est-à-dire que toute théorie est réfutable, qu'on peut opposer à toute théorie une théorie inverse, qu'elle aura le même poids. Okay. Je vous donne l'exemple de la psychanalyse, qui pour moi est une immense fraude. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire d'expérience pour démontrer qu'elle est fausse. Alors, si on ne peut pas le faire, ça veut dire que le psy a toujours raison. C'est fatigant d'avoir toujours raison, d'ailleurs. Bon, donc c'est ça la beauté de la science, c'est qu'on se met en situation pour avoir tort. C'est fatigant faire ça. Et c'est pas naturel à l'homme, en plus. Ça fait mal à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est tout à fait ça, mais il faut peut-être expliquer que la science, c'est jamais des vérités. La majorité des gens, bon, ils ont étudié dans leur manuel de la science, ils pensent que ce sont des vérités. Et la science, c'est des vérités provisoires. Voilà. On croit quelque chose tant que ça n'a pas trouvé autre chose. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas là. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui fait le plus de sens avec une approche scientifique et des faits. Donc ça a un poids. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, réinjecter dans la conversation, dire oui, mais il y a des faits. Quand vous dites que vous ne croyez pas au climat, sur quels faits vous battez-vous? Quand vous êtes contre la théorie de l'évolution, quels sont les faits? Et d'arriver à démonter l'argumentaire. Bien, alors, je repose la question que je posais à Serge Larrivé à l'instant. Puisque toute théorie est réfutable, ça veut dire qu'on peut opposer à toute théorie son contraire et que tout contraire est potentiellement du même poids que la théorie que l'on essaie de réfuter. Typiquement, la théorie de l'évolution, eh bien, à ce moment-là, la théorie créationniste est une autre théorie, c'est une théorie concurrente. Donc, on doit l'examiner de la même façon, avec le même sérieux que la théorie évolutionniste. Oui ou non? Oui, mais parce que pour oui. croire en la... Non, attendez. Attention à ce que vous dites. Attention. La théorie de le créationnisme n'est pas une théorie, c'est une idéologie, parce qu'elle n'a pas été capable de faire preuve qu'elle était une théorie, donc de fonctionner avec les faits. C'est ça qui fait qu'on a une théorie. On approche quelque chose, une idée, on dit, bon, moi, je pense que c'était une hypothèse, c'est le créationnisme. Mais tant qu'on n'a pas validé ça avec les faits, et que ça ne fonctionne pas avec la convergence des faits, avec la preuve des faits, eh bien, finalement, ça reste une idéologie. C'est donc, ce n'est pas une théorie. Nicolas Beck. C'est une croyance. Tant que ce n'est pas une science ou croyance. Mais alors, comment expliquer justement, comment faire la part des choses entre ce qui est une théorie scientifique et ce qui est une croyance? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une confusion extrême à ce niveau-là et que certaines personnes, je vais faire l'avocat du diable, je vais me faire des amis tout au long de cette heure, pensent qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est une idéologie commune, collective, et qu'elle a été construite pour un certain nombre de raisons ensuite diverses et variées, mais que puisqu'elle est dominante et puisqu'elle est consensuelle à ce point-là, elle s'est transformée en idéologie. Comment est-ce qu'on fait la part des choses dans ce cas-là, Nicolas Beck? J'ai pas la réponse théorique à cette question. Mon approche, c'est celle de la rencontre avec des chercheurs, sensibilisation à la démarche scientifique, hein, on y revient, sensibilisation à l'esprit critique. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de fond qu'on doit mener, qui doit permettre au public de comprendre ce que c'est que la science, on le disait à l'instant, et à partir de là, de s'approprier justement cette démarche afin de pouvoir être capable de réfuter et de faire la différence justement entre une science et une croyance. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et depuis le campus de l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, nous sommes toujours ici au 87e congrès de l'ACFAS et nous parlons tout au long de cette heure eh bien, de ce qu'on appelle la science décousue, des raisons de la confusion du public aujourd'hui autour des faits scientifiques, de la défiance envers le discours scientifique et de la croyance paradoxale en contrepartie envers un certain nombre d'infox, de théories du complot, de fausses informations. Nous en parlons avec Serge Larrivé, Sophie Malavoie et Nicolas Beck. Sophie Malavoie, mais la question qu'on pose souvent quand on se plonge dans la complexité de ce paradoxe aujourd'hui, du crédit apporté à ces fausses croyances et à la défiance envers la parole, disons, d'autorité, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il s'est passé plusieurs choses. Et il y a une méfiance que les gens ont acquise de plus en plus envers les politiciens. Donc, à un moment donné, on a augmenté notre niveau de tolérance pour les informations imprécises. On a toujours gardé quand même une confiance pour les scientifiques, mais on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis où finalement une information idéologique, saveur scientifique est acceptée. Je crois qu'il y a déjà un niveau de tolérance qui a augmenté. Et d'un autre côté, les scientifiques n'ont pas été capables de réagir. Et moi, je crois beaucoup Gérald Bronner qui dit que le défi de défendre la rationalité, la grande aventure intellectuelle de notre temps, il y a urgence. Mais les scientifiques, parce qu'ils ne comprenaient pas les processus cognitifs, parce qu'ils n'étaient pas formés en vulgarisation. Parce qu'ils étaient convaincus d'avoir raison. Et ils étaient convaincus d'avoir raison et ils considéraient de la que main, c'était... Voilà. Bon, on ne va même pas se mettre dans l'arène publique, tellement c'est ridicule. Donc en fait, il y a eu un désengagement. Puis maintenant, on parle de l'engagement du chercheur. C'est un peu une conséquence du désengagement et aussi peut-être d'un manque d'habileté à le faire, parce qu'il faut comprendre comment on rattrape la sauce. Et ça, ce n'est pas évident. Mais de comprendre plein de choses. Serge Larrivé. Moi, il y a aussi un autre aspect qui, je pense, a beaucoup nuit à la science. C'est quand on met à jour, même s'il n'y en a pas beaucoup, les fraudes scientifiques. Mm-hmm. Alors, dès qu'un chercheur fraude, ça y est, si les chercheurs fraudent, ça veut donc dire que ce qui se publie en science n'est pas nécessairement vrai. Donc, on peut se tourner vers d'autres personnes, on ne peut plus avoir confiance. Et ça, c'est majeur, même si les grosses fraudes ne sont pas si fréquentes que ça, ça cause un tort considérable. Qu'est-ce qui a fait plus de mal, d'ailleurs, Serge Larrivé? Est-ce que ce sont les fraudes ou est-ce que ce sont aussi les collusions entre certains chercheurs et des grands groupes privés Alors, vous soulevez un autre problème, là. Si je pense, entre autres, aux compagnies pharmaceutiques, ouais. C'est évidemment l'horreur de voir ça, les collusions qu'il y a. Et ça n'aide vraiment pas. Ça n'aide vraiment pas, mais néanmoins, quand on parle, et on en a parlé beaucoup autour de ce micro, avec des chercheurs, dont quelques domaines d'ailleurs que ce soit, et pas uniquement l'industrie pharmaceutique, c'est vrai aussi dans les nouvelles technologies, dans les technologies de pointe, dans l'intelligence artificielle, on voit bien que les scientifiques ont besoin de l'expertise du privé, qu'il faut pouvoir travailler, les laboratoires, quels qu'ils soient d'ailleurs, publics, ont besoin de pouvoir travailler avec des groupes privés, de pouvoir tester les choses, de pouvoir nouer des liens et constituer une recherche qui soit en lien direct avec ces acteurs-là. Et d'un seul coup, dès qu'il y a le soupçon du nombre, non pas d'un conflit d'intérêts, mais en tout cas d'un intérêt commun, et bien d'un seul coup, le travail est suspicieux et l'opprobre est jeté sur les travaux. Comment faire pour que le public comprenne ça, Serge Larrivé ? En ne répondant pas à votre question. Voici ce que vous soulevez, en fait, par la bande, c'est le problème éthique. Et actuellement, en science, les règles éthiques dans les universités nous empêchent de se comporter de façon éthique. C'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire qu'il y a tellement de règles, c'est tellement compliqué que c'est un incitatif aux chercheurs à passer à côté. Évidemment, on le fait pas parce qu'on est des bons garçons puis des bonnes filles, mais c'est de la connerie, ce qui se passe maintenant avec les comités éthiques. Alors, c'est décourageant. Et je connais des chercheurs, dont moi, qui ne demandent plus de fonds de recherche comme premier auteur parce qu'ils ne veulent plus être confrontés et à remplir les documents qui n'en finissent plus pour satisfaire aux critères éthiques. Et ça n'aide pas pour la science. Nicolas Beck, comment on fait? Alors, le cadre de la recherche publique serait trop serré, comme vient de le dire Serge Larrivé. Comme je le mentionnais avant, il y a des liens d'intérêt qui ne sont pas des conflits d'intérêts et qui sont tout à fait utiles à la recherche. Comment est-ce qu'on se débrouille là-dedans pour nettoyer, entre guillemets, l'image du scientifique aux yeux du grand public qui aurait vendu son âme finalement au grand groupe et qui ne serait donc plus digne de confiance? Je crois que c'est une question de transparence, bien évidemment. Il ne faut pas se voiler la face. La recherche publique, elle est aussi cofinancée par des partenariats privés. C'est le cas dans de nombreux domaines, y compris dans des domaines moins polémiques, peut-être que la santé. On ne doit pas nier ça. Ça fait partie de la recherche aujourd'hui, la façon dont elle est construite. La question que je me pose aussi, c'est par rapport à la pression des scientifiques par rapport aux publications, qui peut-être dans certains cas aussi inciter à des raccourcis un peu rapides, voire là, vous parlez à la de la méconduite scientifique, oui. Alors, ce dont je parle, c'est par exemple à l'attraction que peut avoir un scientifique vis-à-vis des médias. Ça peut être intéressant pour lui de griller un peu les étapes et de ne pas forcément respecter tout le processus de validation par les pairs. Parce que finalement, si on fait la découverte du siècle avec plein de guillemets, on sait qu'on va avoir des journalistes et un certain nombre de... C'est les annonces, vous faites référence aux annonces tonitruantes sur le pas de porte du laboratoire en disant j'ai découvert quelque chose de formidable sans que ce soit passé par les circuits traditionnels. Ça, c'est extrêmement dangereux, bien évidemment. Ça arrive de moins en moins, tout de même. Ça arrive de moins en moins, mais c'est vrai qu'on a eu des cas de figure où ça a très vite été vers l'opinion publique avec des gros dégâts, finalement. Parce que, de la cyclosporine, de cette affaire-ci. Sinistre au moment de la lutte contre le sida. Oui, Sophie Malavoie. En fait, moi, c'était juste un petit ajout pour dire, effectivement, pour résister aux lobbies, et ils existent, déjà, de le reconnaître, mais peut-être de se donner des mécanismes un peu de contrôle sur les conflits d'intérêts. On a eu récemment un scandale au Québec dans le domaine de l'agriculture où on réalise finalement que des comités sont carrément noyés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est passé, noyauté par des gens de l'industrie des pesticides. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous Exactement, expliquer ce que c'était que cette affaire? Il se trouve qu'il y a eu un scientifique du congédié. C'était Agriculture Canada, je crois. Et lui, il était Parce que finalement, ils commençaient à s'insurger contre un fait que toutes les politiques pour les pesticides, le comité de contrôle, finalement, c'était des gens de l'industrie des pesticides. Donc tout le domaine des grains et tout ça, mais noyauté alors complètement. Donc finalement, on s'est débarrassé du scientifique plutôt. Donc c'est de se donner des mécanismes de contrôle pour dire, ben là, c'est ce qui s'est passé pour le sucre. Comment ça se fait que c'est quelqu'un de Harvard qui est allé publier l'article pour dire que le sucre, c'était pas le problème, c'était les gras. Le tabac. Faites référence à toute la polémique qui a pendant très des longtemps. Années, ça fait 20 ans qu'on sait que le sucre est une des causes de maladies cardiovasculaires, est une des causes de problèmes de santé, mais on a tout mis sur le gras. Et ça, c'était une stratégie de s'acheter la collaboration de grands scientifiques. Dans ce cas-là, il venait carrément de Harvard. C'était quand même pas n'importe quoi. Dans d'autres cas, pour le tabac, ça a été d'autres personnes. Il y a même des spécialistes en communication qui font ces stratégies pour l'industrie. Ils sont déjà de comprendre le mécanisme. Heureusement, il y a des gens qui étudient ça. Donc on voit bien qu'effectivement, l'image du scientifique auquel on croit, celui qui structure le progrès, qui annonce le futur, s'est écorné pour de nombreuses raisons, dont celle que vous venez d'évoquer. L'autre cause, puisqu'on en est toujours à chercher les causes de cette confusion du public autour de la science décousue, on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement l'accès libre à l'information sans formation. L'information sans formation, Internet, on laisse des gens sans formation aller sur Internet et ils croient n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas capables de discriminer ce qui relève de la science établie, vérifiée, factuelle et des pseudosciences, de l'opinion et de la désinformation. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure rapidement, Sophie Lemalavoie. Vous dites néanmoins, la pénétration de ces fausses informations, de ces pseudosciences, elle n'est pas corrélée au niveau de l'éducation ? Non, c'est ça, mais je crois qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Et dès l'école, ça Serge Larrivé, j'imagine, va être d'accord avec moi, dès l'école, former les gens à l'esprit critique, aussi le public adulte, former à l'esprit critique, d'être capable de départager une information basée sur des faits d'une autre. Mais ça, on en entend beaucoup parler, on y reviendra tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette défiance envers le discours scientifique attestée, elle n'est pas corrélée au niveau d'éducation. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui fait que ce sont les populations qui ont le moins de formation, qui sont les plus susceptibles de croire à ces pseudosciences et à ces fausses informations? C'est assez étonnant parce qu'il y a des études qui se sont dit le biais de confirmation, qui est le plus vulnérable. Il y a des études très poussées, même à Cornell, qui montrent c'est vraiment l'effet de l'expertise est minime. Il est là pour montrer qu'on est moins susceptible à un biais, mais c'est loin. Et les scientifiques sont soumis à des biais eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que la science, il faut tout relativiser, que les scientifiques sont conduits par leurs propres intérêts, leurs croyances. Non, mais il y a quand même le biais, tout le monde est vulnérable à ça. Et ça, il faut vraiment le montrer et l'expliquer. Serge Larrivé. Oui, c'est-à-dire que, alors, le biais de confirmation, c'est un biais vraiment très répandu. Rappelez-nous ce que c'est exactement un biais de confirmation. Pardon? Rappelez-nous ce que c'est qu'un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que je vais chercher des informations qui confirment ce que je pense, et dès que je vois une information qui ne confirme pas ce que je pense, tassez. Voilà, un autre. Et là, je voudrais revenir aussi sur un autre aspect brillant de la part des pseudo-scientifiques, c'est que ils tiennent un discours à propos de la méthode scientifique. Ils utilisent les mots de la méthode, mais ils n'utilisent pas la méthode. Alors, ce qui fait que là, le peuple devient confus, il parle comme un scientifique, et c'est plus facile. Le meilleur exemple. Allez-y. Combien de personnes, de pseudo, qui parlent de la physique quantique. Alors que les physiciens de la physique quantique disent, nous, on comprend pas ce que c'est. Alors, eux, ils comprennent un peu quand même, normalement. J'exagère, bien sûr, parce que le juste milieu, c'est très plate. Alors, les pseudo-scientifiques peuvent utiliser le vocabulaire de la science sans jamais utiliser la méthode. Et ça m'amène à un autre aspect. Quand on pourrait me demander, est-ce que vous argumentez avec les pseudo-scientifiques? La réponse est non. Et voici ce que je fais, parce que si je les contre, je renforce leur croyance. Alors, ce que je fais la position du naïf. Je pose des questions pour qu'ils m'expliquent mieux. Puis à un moment donné, ils en ont marre. Alors, je leur cours après. Non, restez, parce que si vous avez raison, je vais faire la fête. Vous allez me démontrer que je me trompe. Alors, l'expérience montre que si on se bat contre eux, on est perdant. Parce qu'ils vont nous traiter de tous les noms. Et ça va leur suffire comme argument. Nicolas Beck, j'aimerais qu'on revienne tout de même un instant sur cette composante, disons, socio-économique qui a trait ou non, finalement, à la diffusion de ces fausses informations et de ces pseudo-sciences dans la population. On a tout de même le sentiment qu'il y a des populations qui, disons, s'estiment défavorisées et qui attribuent une partie de leur relégation sociale précisément au progrès qu'ils ont laissé de côté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là ? Je ne sais pas si les gens pensent... C'est une question, hein, vraiment. Si les gens pensent ça, ouverte. Ou si les chercheurs pensent ça du public, si on prend la question un peu à l'envers, justement, avec l'idée de l'éducation aux sciences, de l'alphabétisation aux sciences. On parlait tout à l'heure du déficit modèle, hein, qui est cette idée d'aller apporter de l'information scientifique, d'aller éduquer aux sciences pour que, justement, les gens comprennent et accepte les sciences et les technologies. En fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. On sait qu'avec l'information scientifique à disposition, avec des arguments scientifiquement prouvés face à certains phénomènes, ça suffit pas pour convaincre aujourd'hui, notamment des gens qui ont des positions extrêmes sur un certain nombre de sujets. Donc le combat, il est plus complexe que ça. Et comme on le disait à l'instant, il commence dès l'enfance avec l'éducation à l'esprit critique, qui va bien au-delà des sciences d'ailleurs. C'est dans la vie quotidienne qu'on a besoin de faire face à un ensemble d'arguments qui nous sont présentés, des croyances qui arrivent de toutes parts. Face à ça, comment on arrive à être armé pour justement juger et avoir un raisonnement qui soit le plus juste possible. Et on va justement étudier les moyens de remédier à la diffusion de ces fausses informations pour bien réarmer un peu le public et les citoyens pour faire front et mieux pouvoir repérer et discerner le bon grain de l'ivraie. Distant Science du groupe The IQ. Distant Science, c'est ce que l'on n'espère pas. Nous, on veut une science proche qui ne soit pas distante. Nous sommes ici depuis le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, sur le campus de l'UQO à Gatineau, au Québec, pour parler de cette science décousue, de cette science en laquelle, une certaine partie des citoyens ont perdu confiance. Ils ont perdu, cette espèce d'adhésion qui a pu être à un moment donné celle du positivisme rationnel. Nous en parlons avec Serge Larrivé, professeur à l'Université de Montréal au département de psychoéducation, avec Sophie Malavoie, qui est directrice du Cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal, et Nicolas Beck, qui est directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. Et comme chaque jour, nous sommes allés fureter dans les allées de ce congrès de l'ACFAS à la recherche de témoins et de scientifiques qui nous parlent de leur expérience. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez rencontré notamment Sonia Anvar, qui après des années d'exercice de la naturopathie a choisi de se reconvertir dans des études de biologie et de lutter contre la propagation passion des pseudosciences. Eh bien oui, qui de mieux qu'une ancienne sceptique reconvertie pour bien cerner les mécanismes des pseudosciences et surtout mieux les combattre. Je l'ai retrouvée en compagnie d'Estelle Chamou qui, elle, est professeure de biologie à l'université de Bishop à Sherbrooke. Elles animent toutes les deux ici, dans ce congrès, un atelier qui vise à mieux outiller la communication scientifique. Et selon elles, ce n'est pas tant par le discours rationnel qu'il faut convaincre les sceptiques, mais vraiment par la méthodologie et la démarche scientifique. Moi, ma façon d'aborder, puis je pense Sonia est un petit peu la même aussi, c'est que des fois, on voit des commentaires des gens très émotionnels sur, je sais pas moi, que ce soit la vaccination ou que ce soit la maladie de Lyme ou des choses comme ça. Puis souvent, ben, ça va être de répondre de manière quand même moins confrontante. Parce que des fois, des scientifiques qui confrontent en disant « c'est complètement faux ce que vous dites » et tout. Nous, c'est souvent, je pense, une approche un petit peu plus à l'écoute, mais redire aux gens « ben non, mais ça, ce que vous avancez là n'est pas supporté par la science. » Donc, de ramener les gens un petit peu plus comme se poser la question, mais sans leur dire « vous avez tort ». Tu sais, c'est vraiment ou de comprendre qu'ils ont des inquiétudes, qu'ils ont vraiment une inquiétude qui est légitime, et de pas nier cette inquiétude-là, mais d'aller vraiment un petit peu défaire les schémas, puis dire « OK, oui, il y a de l'inquiétude, je comprends, mais aller voir telle chose ou donner une référence vers une étude qui est bien vulgarisée puis que les gens peuvent comprendre facilement. » Alors, l'une et l'autre, vous avez des profils quand même assez différents. Estelle, vous êtes biologiste, mais Sonia, vous êtes une ancienne sceptique de la science, on pourrait dire ça comme ça. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer de point de vue? Parce qu'aujourd'hui, vous étudiez la biologie. Comment s'est opéré ce virage, finalement? Ben, ça a été quand même un processus assez long. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé à me poser des questions sur ma pratique. En fait, je voulais avoir plus d'informations sur la physiologie, tout ça. C'est pour ça que je me suis inscrite d'abord en biologie. Puis au fur et à mesure que les études avançaient, moi, je continuais quand même ma pratique. Puis il y a un recul par rapport à mon rôle de thérapeute qui s'est fait. Je me rendais compte à quel point les gens avaient énormément confiance en ce que je disais, puis vraiment déposaient leur santé entre mes mains. Puis je me sentais plus autant confiante en la démarche que j'avais là, donc les outils. Vous sentiez plus légitime par rapport exact. À l'aide ouais. que vous pouviez apporter à ces gens-là, et vous vous êtes dit qu'il fallait avoir quand même une solide culture scientifique. Oui, exactement. Moi, quand j'ai fait mes études en naturopathie, j'avais pas vraiment conscience que beaucoup de l'information qu'on m'enseignait était pas basée sur la science. J'avais l'impression que c'était très scientifique. Puis de la manière que c'est apporté, ça semble très scientifique quand on n'a pas vraiment les outils pour faire la différence entre de l'information de qualité puis qu'est-ce qui l'est pas. Donc moi, je basais ma pratique là-dessus, puis je trouvais que c'était tout à fait légitime. Puis en apprenant un peu plus comment fonctionne la recherche, la méthodologie derrière tout ça, ben là, ça m'a fait remettre en question les outils que j'utilisais, puis ben de par ce fait, mes capacités à vraiment aider quelqu'un en termes de sa santé. Estelle, est-ce que c'est vraiment sur ce plan de la méthodologie qu'il faut vraiment appuyer pour arriver à convaincre des promoteurs des pseudosciences? Je ne suis pas certaine qu'on puisse convaincre des promoteurs de pseudosciences de comment leur démarche peut être mal orientée. Je pense que ce qu'on peut convaincre un petit peu mieux, c'est des gens qui doutent, qui sont inquiets, qui se posent des questions. Fait que je crois qu'il faut beaucoup plus éduquer les gens à discriminer la bonne versus la mauvaise information, leur apprendre à avoir les réflexes de identifier les choses qui sont douteuses, identifier des choses qui sont mal supportées par la science, identifier une méthode d'analyse critique de l'information facile pour qu'ils puissent plus rapidement faire la différence. Alors vous animez toutes les deux un atelier qui vise à mieux outiller la communication scientifique pour lutter contre ce problème-là. Comment on donne des outils concrètement à un grand public? Je crois que le public aurait besoin d'avoir un peu plus d'informations sur la méthodologie en tant que telle, donc pas nécessairement seulement sur des résultats de recherche, mais comment ça fonctionne, la recherche. Parce que, bon, en général, c'est un peu la même chose. Là, on va y mettre une hypothèse. Après ça, on va faire des tests pour voir si l'hypothèse, elle est soutenue ou pas. Mais ce protocole-là, les statistiques aussi, c'est pas intuitif, c'est pas naturel d'avoir cette manière-là de regarder le monde. Et puis, si on se le fait pas enseigner d'une manière quelconque, c'est très difficile de développer cette manière-là de regarder l'information. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver une manière d'outiller les gens. Je crois qu'on pourrait commencer plus jeune, probablement, à le faire. Là. On a des cours de sciences quand on est jeune, mais il n'y a pas de cours sur la méthode en tant que telle. Donc, intégrer peut-être quelque chose par rapport à la méthode pour aider à bien faire la différence entre une information qui a été élaborée suivant une certaine méthodologie ou peut-être plus anecdotique versus bien comprendre la différence. Là. Voilà ces témoignages recueillis dans les allées du congrès de l'ACFAS. Une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre, Sophie Malavoy? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a soulevé plusieurs points. Le premier, c'est il faut outiller les gens. Moi, je pense aussi qu'il faut outiller les scientifiques. Et parce qu'elle a mentionné une chose qui est centrale pour moi, c'est qu'on demande aux scientifiques de s'engager, de défendre un peu la science, mais c'est un dialogue. Donc, de faire comprendre aux scientifiques, essayer de comprendre pourquoi les gens pensent telle chose. Pourquoi ils arrivaient. Il y a des gens, par exemple, qui ont voulu lutter contre les armes aux États-Unis. Bon, on a toutes les chiffres montrent tous que ça n'a pas de lien avec l'effet que ça a sur la criminalité. Mais pourquoi les gens pensent ça? Et de dire, bon, ils vont dire, oui, mais dans telle ville, si on a plus d'armes, c'est sûr qu'il y aura moins de meurtres. Cette logique d'aller démonter l'argumentaire qui paraît logique pour les gens, de dire, oui, mais avez-vous pensé d'être vraiment dans un dialogue, que peut-être il y aura plus d'accidents, peut-être que vous allez prendre des risques, peut-être qu'il y aura plus de suicides? Les amener à douter, donc ça, je trouve ça très bien. Et j'aime beaucoup quand elle dit ça paraissait scientifique, la naturopathie. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est quoi la science? C'est des faits, c'est des données. Et peut-être donner un peu plus d'histoire des sciences aux gens, de montrer que la science est... Bon, on notait beaucoup de recours à la méthode. Alors, on est dans une émission qui s'appelle La méthode scientifique, on va certainement pas s'en plaindre. Mais finalement, le propos inverse serait de dire qu'est-ce qui nous prouve que notre méthode, aujourd'hui, cette méthode scientifique qui est si jeune par rapport à l'histoire de l'humanité, il y a quelques centaines d'années tout au plus, en quoi serait-elle plus valide que les autres? Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui que tout doit être jugé à l'aune de cette unique méthode scientifique? Et votre question, Serge, elle est d'autant plus pertinente que la méthode scientifique n'est pas naturelle à l'homme. Et, bon, on sait tous que pour fonctionner, le cerveau a besoin de sens. Et qu'est-ce qui fait du sens rapidement? Ce sont les croyances, de quelque nature qu'elles soient. Les heuristiques. Pardon? Les heuristiques, c'est, oui, c'est ça. Donc, le premier sentiment. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir que des gens croient à plein de choses. C'est ça qui est naturel à l'homme. Et la méthode scientifique, d'ailleurs, comme vous l'avez bien dit, elle est jeune, hein? Donc, on peut présumer que dans 1000 ans, ça sera encore ça, mais on n'en sait rien. Nicolas Beck, comment on lutte justement quand on essaie d'opposer la méthode scientifique à d'autres méthodes qu'on pourrait appeler ancestrales, je ne sais pas, traditionnelles, millénaires, ou même, et ça je trouve que c'est une arme argumentative assez forte, alternative. Quand on dit ce sont des faits alternatifs, ce sont des méthodes alternatives, ça veut dire que finalement elles peuvent être valides, c'est une autre façon de faire. Pourquoi ne pas la considérer? Je ne sais pas si j'ai la réponse. Ce en quoi je crois, c'est en la rencontre. La rencontre entre ce public et ces chercheurs dont on parle depuis tout à l'heure, avec l'idée qu'il y a deux mondes. En réalité, il n'y a pas deux mondes. Les chercheurs sont des hommes et des femmes comme les autres. Et on le disait à l'instant, faire comprendre aux chercheurs quelles sont les préoccupations de ce public, le mettre dans cette situation de savoir pourquoi il y a une attente forte vis-à-vis d'un sujet de société, besoin de réponse concrète, pourquoi il y a ces croyances qui persistent, c'est peut-être la première règle à imaginer pour que le dialogue puisse se faire, justement. C'est une règle de communication de base, c'est je vais m'adresser à un public, ben, qui il est, quelles sont ses préoccupations, et justement quand je vais m'adresser à lui, ben, c'est une forme de respect aussi de savoir un peu qui est la personne et quelles sont les questions qu'il se pose. Aujourd'hui, quand un chercheur s'adresse au public, bien souvent il se positionne en tant qu'enseignant-chercheur avec l'idée que il sait s'adresser à un public qui lui ne sait pas, puisqu'il enseigne à des étudiants. C'est le cas d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui au quotidien nous disent moi je sais le faire. Or, on n'est pas du tout dans la même situation. La situation de l'enseignement et la situation d'une action de vulgarisation, pour reprendre le terme, une action de médiation scientifique, c'est pas du tout dans cette posture-là qu'on doit être. Et il est important vraiment de faire comprendre ça aux chercheurs. Donc ça fait partie de la démarche, cette rencontre qui se crée entre deux êtres humains à un moment donné. Il s'y passe des choses, il y a des émotions, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui se ressentent, qui se voient. Et c'est ça qui fait que le dialogue peut se créer. La confiance, elle repasse aussi probablement par ça. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place par les actions de médiation scientifique qu'on monte aujourd'hui. On en reparlera dans un instant, justement, de la position du chercheur vis-à-vis du grand public et de ses travaux. Sophie Malavoie, j'aimerais vous entendre tout de même sur cette question de dire qu'est-ce qui nous permet d'estimer aujourd'hui, collectivement, nous, autour de cette table, que cette méthode scientifique, elle est à toute épreuve, que c'est la seule qui nous permette de juger bien ces autres techniques dites, je ne sais pas, encore une fois, traditionnelles, ancestrales. Finalement, nous, on parle d'études épidémiologiques, mais après tout, il y a certaines pratiques comme l'acupuncture qui ont 3000 ans. 3000 ans, ça veut dire que ça a bien apporté ses preuves. Oui, c'est ça. Il y a cet effet du nombre. On dit, oui, mais ça fait des années qu'on fait comme ça. Même nos grands-parents disaient, mais j'en suis pas mort. C'est ancestral, donc. C'est ancestral. Donc ça a fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Et c'est pas facile de répondre à ça, mais c'est quand même la méthode scientifique ou l'approche scientifique, elle est basée. Et encore, il faut faire attention parce que toutes les sciences ne sont pas équivalentes là-dessus. Il y a plus ou moins de méthodes selon les disciplines. Il y a différentes méthodes scientifiques. Oui, en physique théorique, la preuve n'est pas toujours évidente. La réplicabilité, en tout cas, pas toujours. Mais c'est de dire, dans certains cas, c'est étayé par des faits. C'est revaloriser les faits. Dans la pensée des trucs alternatifs, c'est qu'on se libère des faits. On dit avancer quelque chose, mais on l'étaye par rien. C'est basé sur rien. Donc, c'est quand même... L'expérience, sur l'histoire. L'expérience. Alors, c'est sûr, les gens disent l'acupuncture, ça fait 3000 ans que ça marche. Et ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tout est faux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vu prouver les faits. Il y a une attitude aussi de dire toujours non à tout quand on est scientifique. Ça augmente pas la confiance, mais de dire écoutez, l'acupuncture. D'ailleurs, l'acupuncture, on commence à avoir des études scientifiques, mais disons l'homéopathie, on en a moins jusqu'à maintenant. On a plein d'études sur l'homéopathie, mais qui prouvent toutes la même chose pour le coup. Toutes la même chose, ça marche pas. ça marche aussi bien qu'un placebo. Attention. Un placebo, voilà. Mais on peut expliquer en disant le placebo. Par contre, on a des faits. Le placebo a été étudié, donc on peut dire l'homéopathie actuellement, parce que le placebo peut aller jusqu'à 80% des faits. Donc c'est vrai qu'il y a un effet et c'est basé toujours sur l'histoire des sciences, les faits, et de dire c'est pas parce qu'on fait ça depuis 3000 ans que ça marche. Et d'ailleurs je vous renvoie non seulement à l'émission que nous avions consacrée à l'effet placebo qui est effectivement un effet tout à fait documenté et passionnant, et puis aux idées claires cette semaine qui précisément se pose la question de l'efficacité de l'acupuncture, et il y a en effet quelques études qui sont conduites selon la méthode scientifique telle que nous la pratiquons aujourd'hui dans les laboratoires avec des techniques de randomisation double aveugle. Tout ça c'est sur le site de franceculture.fr sur les réseaux sociaux, et on vous met les liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. J'aimerais revenir un peu sur ce que vous me disiez tout à l'heure, Nicolas Beck, et sur ce qu'on entend, parce que la formation à l'esprit critique, on l'a évoqué, et ça fait partie effectivement de ces choses dont on a l'impression que ce sont des méthodes, alors non pas magiques, mais en tout cas qui ressortent dès qu'on parle de la lutte contre les fausses informations. Quid de la formation des chercheurs à mieux vulgariser leur travail auprès du grand public. La question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est qu'on parlait ici même à cette table hier à LUCO avec des jeunes chercheurs, bien de leur carrière, de leur début de carrière et de la complexité de ces débuts de carrière. On leur demande quand même beaucoup de choses, de publier, de ne pas arrêter de publier, de rechercher des financements, de faire des démarches administratives, éventuellement d'avoir des travaux du travail à temps partiel pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et en plus, il faudrait qu'on leur demande maintenant de travailler à communiquer mieux leurs travaux au grand public. Est-ce que c'est pas un peu charger la barque ? Je crois que c'est pas en plus, tout simplement. Facile à dire, hein, mais ça fait complètement partie de la démarche de recherche. On peut plus se permettre aujourd'hui d'imaginer des recherches isolées, le chercheur dans sa tour d'ivoire, etc. Enfin, c'est fini cette affaire-là. Aujourd'hui, les recherches, elles se font de manière connectée avec des problématiques sociétales. Puisque c'est connecté avec des problématiques sociétales, il faut savoir en parler, il faut connaître justement la position de la société vis-à-vis de ces questions-là, et comment on les connaît, ces questions-là, eh bien, c'est en étant en relation avec le public d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs... On peut mettre le curseur à différents endroits. On peut... faire le minimum vital, c'est-à-dire quelques interventions face à du grand public de temps en temps. Si c'est préparé, si c'est bien fait, ça peut être relativement constructif. Après, si on met le curseur justement tout au bout, on va vers des dispositifs, par exemple, de sciences participatives, où on intègre le public dans le processus de recherche. là, c'est une autre manière de faire de la recherche. En tout cas, c'est quelque chose qui est en développement exponentiel aujourd'hui. Il y a des publications scientifiques qui sortent. Il y en a eu un chiffre de 2016, jusqu'à 800 publications qui sont sorties grâce aux sciences participatives. Là, on met le public vraiment public chercheur. C'est un binôme qui fait de la recherche. Alors évidemment, avec des règles, avec un certain nombre de choses à respecter. Mais ça permet de faire de la recherche aujourd'hui de manière complètement différente. Mais est-ce que le public qui va vers les sciences participatives, c'est le même public que celui qui doute précisément de la démarche scientifique? Est-ce qu'on s'adresse aux mêmes catégories de citoyens? C'est une vaste question. Vaste question. Voilà, j'ai pas la réponse. En plus, bon, ça reste à la marge aujourd'hui. Hein. Je parle de 800 publications, mais c'est à l'échelle mondiale. Ça reste assez peu finalement. Je pense que ce pourquoi on doit se battre justement aujourd'hui. C'est vrai que le public qui participe aux actions de médiation scientifique de manière générale, pas que pour les sciences participatives, c'est souvent un public qui gravite un peu autour du monde académique. Allons vers ce public. Où est-il ce public? Mais il est aussi en dehors des locaux universitaires, déjà pour commencer. Donc emmenons les chercheurs hors des labos. Il est en dehors des grandes villes aussi, un public qui a moins accès à la culture peut-être. On va aller en zone rurale, on va aller sur les territoires, à la rencontre du public pour justement créer ces moments de rencontre qui vont être certainement plus efficaces et constructifs que si on se contente d'attendre le public. Et en effet, c'est probablement un public déjà convaincu qui va se rapprocher naturellement des chercheurs. Sophie Malavoie. Ben, il a tout à fait raison et c'est une des erreurs qu'on a fait en vulgarisation scientifique, toutes les démarches de médiation, c'est de ne pas réaliser qu'on s'adressait déjà aux convaincus. Et les universités en font plein d'activités, mais c'est dans les murs. Et c'est pour ça, on était soucieux de ça, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer ces gens? Des activités plus ludiques, des excursions sur le terrain, des balades, des activités où on promène un vélo dans la ville et on s'arrête pour parler aux gens, les prendre là où ils sont. Et je pense qu'on est rendu là un peu, mais pour les jeunes chercheurs, je leur dirais aussi, il a raison Nicolas quand il dit c'est pas en plus, ça fait partie de leur travail, mais il en va aussi de l'efficacité de leur recherche. C'est qu'en fait les retours sont là, sont en général positifs. Il y a quelques chercheurs qui se plaignent que leurs propos soient déformés ou que ça atteint leur crédibilité vis-à-vis les pairs, mais globalement il y a un bénéfice pour les chercheurs. La majorité des choses montrent que c'est quand même bénéfique, puis il y a une pertinence à leur recherche. Quand ils incluent ce dialogue avec la société, ça rend la recherche plus pertinente. Ils ont tout à gagner. C'est pas un plus, c'est dans l'essentiel pour moi. C'est de convaincre les jeunes, c'est pas une habileté secondaire, elle est vitale. Serge Larrivé. J'ai un bémol là-dessus, moi. Mm-hmm. Je pense que, en fait, je vais dire une énormité, là. Je pense que la majeure partie des chercheurs et des professeurs d'université n'ont pas de talent pour la vulgarisation scientifique. Et tout ce que j'espère, c'est de me tromper. Qui veut répondre, Nicolas Beck? J'ai un retour d'expérience. Je pense à l'événement Ma thèse en 180 secondes qu'on mm-hmm. connaît dont aujourd'hui. La finale québécoise a lieu tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc c'est avant tout un concours, mais surtout une formation. Une formation de jeunes chercheurs à un exercice oral où on va présenter ses recherches, comme son nom l'indique, en 3 minutes. Les retours qu'on a, alors je parle pas de ceux qui sont sur le podium, hein, les très bons candidats, etc., qui sont excellents à l'oral, qui font un pitch magnifique, etc. Je parle de l'ensemble des doctorants qu'on suit dans ces formations. Le retour qu'on a, c'est que l'exercice de formation leur permet de prendre du recul sur leur recherche. On a des cas de figure, des fois assez émouvants même, de doctorants qui nous disent « mais merci ». Vraiment, merci de m'avoir aidé à formuler ma démarche scientifique, de l'avoir exprimée, de l'avoir écrite noir sur blanc et de la dire comme je ne l'ai jamais dit à personne. Mais comment se fait-il qu'il y ait besoin de mettre dans 180 secondes pour faire ça? Comment se fait-il que ça ne fasse pas partie du cursus de formation d'aider les étudiants à formaliser, à synthétiser, à expliquer leurs travaux? Ça fait partie de leur formation à la médiation scientifique, au-delà du concours Ma thèse en 180 secondes, qui est une forme de médiation aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate par rapport à ces formations qui sont mises en place aujourd'hui. Sophie Malavoie. Mais en fait, dans les formations, c'est parce qu'il n'y a pas toujours eu ces formations et il n'y a pas toujours eu des gens compétents pour les donner. Ils restaient un peu dans l'idée qu'il suffisait de diffuser. Et c'est d'essayer d'expliquer aux chercheurs, et c'est là où ils y gagnent, que leur défi, c'est d'intéresser les gens, éventuellement de les convaincre. Mais et c'est là où, quand on leur permet de mettre en perspective et des fois de découvrir... Moi, je donne beaucoup de formations et des fois, ce qui est étonnant comme effet secondaire, c'est qu'ils découvrent entre eux qu'ils auraient pu s'aider à mettre en perspective, que l'un a une... Ah, mais tu parles des saumons, ben oui, tu pourrais utiliser telle donnée, ça serait intéressant. Et c'est d'être capable de ressortir de leur labo Et c'est quelque chose d'essentiel. Et tout le monde n'a pas les mêmes talents. Mais on peut, oui, il y a des vulgarisateurs nés qui sont bons sans formation. Mais pour la majorité des autres, c'est des petits outils qu'on peut leur donner. D'aller donner des exemples, d'aller donner des chiffres, d'aller donner des analogies. C'est des outils, ça s'apprend, on peut s'améliorer. Pour conclure, il nous reste quelques minutes, je vais sortir le fouet et battre ma propre coulpe, puisque du côté des vulgarisateurs dont je fais partie, il y a évidemment les médias, les journalistes. Alors il y a les journalistes scientifiques, puis il y a les journalistes qui ne sont précisément pas formés à la chose scientifique. Et on voit souvent fleurir dans les grands médias généralistes d'information, le journal télévisé ou certains journaux quotidiens, bien parfois des reportages qui accordent une place importante aux pseudo-sciences, les bienfaits de, je ne sais pas, l'hypnose pour arrêter de fumer, ou d'autres choses, ou d'autres médecines dites traditionnelles ou alternatives qui ont tout de même et qui continuent à garder une place importante dans ces médias dits généralistes. Est-ce qu'il faut passer, Serge Larrivé, par une meilleure formation généraliste des journalistes généralistes à la chose scientifique? Bien sûr, on est tous pour la vertu, même si la vertu c'est très peu intéressant, mais on est tous pour la vertu. Mais dans les faits, quand on demande à nos étudiants d'aller dans un congrès comme l'ACFAS ou la Société québécoise de recherche en psychologie, la SQRP, de présenter des posters, bien, ils présentent des posters plates, ennuyants, parce que ce qu'ils ont appris, c'est ça, c'est à bien présenter les statistiques. On ne leur apprend pas à aller intéresser le public. À mettre de l'émotion. Ça, c'est pour les étudiants en sciences. Je parle de la formation des journalistes généralistes. C'est que vous avez le sentiment aujourd'hui que peut-être que l'une des pistes, c'est d'accorder dans les formations au journalisme une part de science, c'est-à-dire remettre un peu de culture scientifique chez les journalistes d'information générale. Bien sûr, et chez les journalistes d'information scientifique, évidemment. Le nombre de journalistes scientifiques en France est ridiculement bas, malheureusement. Donc c'est vrai que quand on veut parler de science et quand les sujets apparaissent dans les médias aujourd'hui, on a bien souvent des gens qui ont fui la science à un moment donné de leur parcours parce qu'ils se sont orientés vers autre chose, parfois avec une forme d'allergie. Et aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à devoir traiter des sujets qui, par définition, sont assez loin de leur spécialité. Donc ça, c'est un vrai problème, évidemment. Après, je pense que par rapport aux outils de communication qu'on utilise dans le journalisme, mais aussi dans la médiation des sciences, il faut les prendre avec prudence. C'est vrai que moi, j'organisais au début de ma carrière des cafés scientifiques. La tentation, elle est forte de faire un titre hyper accrocheur pour faire venir les gens avec l'idée que plus on a de gens dans la salle, plus on a réussi notre événement. Bah, aujourd'hui, je m'interroge quand même. Ce que j'ai fait dans mes premières années de carrière, voilà, je le considère complètement différemment aujourd'hui. On me dit, mais finalement, s'il y avait eu que 10 personnes avec un sujet un peu moins sexy, enfin en tout cas un titre et une accroche un peu moins sexy, ça aurait peut-être été finalement un échange plus constructif et peut-être qu'il aurait fallu le faire ailleurs, aller justement à la rencontre du public et pas se contenter de faire venir ceux qui, de toute manière, viennent à toutes les conférences. Donc c'est ça qu'il faut prendre avec prudence. Il faut doser subtilement justement les outils de communication pour ne pas en faire notre arme majeure de séduction. Et ça ne suffit pas aujourd'hui. Un référent scientifique dans les grands médias, Sophie Malavoie, justement pour éviter ces reportages un peu bord-cadre parfois sur certaines pratiques qui relèvent plus des pseudo-sciences que des sciences. Oui, puis il y a le problème au Québec aussi, parce que la profession de journaliste scientifique est aussi un peu en chute libre. Mais je crois qu'il faut peut-être former les journalistes, j'en suis convaincue, une culture scientifique, mais aussi à la méthode scientifique, à l'approche. Parce qu'il y a un peu une... les former à la rationalité, à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'émotion, qu'il ne faut pas mettre de l'humain, au contraire. Mais, et ça, c'est essentiel. C'est vraiment... et ça sort du domaine juste de la science. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Serge Larrivé, quand le paranormal manipule la science, aux presses universitaires de Grenoble. Merci Sophie Malavoie, guide de pratique de vulgarisation scientifique. C'est édité par l'ACFAS. Merci Nicolas Beck. En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique, c'est aux éditions Quoi. Et puis comme je vous le dis, vous pouvez retrouver les idées claires sur les sites de France Culture et France Info, sur les réseaux sociaux, et puis sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Merci aux équipes de l'ACFAS, Lynn Sauvageau, Hélène Drinville, Alexandre Jay, Stéphanie Quirion. Merci à Madame la Consul Générale de France au Québec, Laurence Hagenauer, à Mathilde Girard et Florence Béranger. Merci aux équipes de Radio-Canada pour les moyens techniques, à Conrad Ijazi, Serge Brunet, Sébastien Landry, sans oublier évidemment toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez et Olivier Bétard à la réalisation. Demain, quatrième jour de notre semaine au 87e congrès de l'ACFAS au Québec, nous parlerons environ d'un secteur de pointe qui concentre un important effort de recherche ici au Canada, parleront de nanomatériaux et de la ruée vers l'infiniment petit. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.